Toujours en Corée du Sud, des organisations civiles et sociales et des personnalités de tous les paliers ont tenu le 27 juin à l'arrondissement de Dong de la ville de Daejeon un rassemblement à la mémoire des victimes du massacre par les forces américaines, l'armée et la police sud-coréenne à l'époque de la dernière guerre de Corée, selon le journal internet sud-coréen Tongil News. Elles ont demandé au gouvernement sud-coréen la mise au public du dossier du génocide.